Rémi. Salut Charline. Et, Guillaume, il est toujours pas rentré. Non, il arrive. Il était où? Tout s'est bien passé pour lui? Oui, très bien. Il était où exactement? Et Alex, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Ah, moi j'étais à Bruxelles, vous êtes dégueulasse. Ah, je suis sûre que Guillaume aussi a eu du mauvais temps. Ah, ça m'étonnerait parce que Guillaume, il est parti. Ah, il était où, Guillaume? C'est pas de chance. Exactement. Hop, les sujets. Ouais, les sujets. Il y a les nouveaux mots dans le dico. Ah, bah, il était où? Ouais, c'est bien ça, les mots dans le dico, moi je prends. Il y a aussi la Discord à Charline. Ah, oui, ça veut dire je prends aussi. Val, c'est la culture. Ah, il était au festival de Cannes. Guillaume? Non, parce que s'il avait été sans moi, alors ça m'aurait énervé. J'adore le cinéma. Ah, bah oui, bon point. Il était où alors? Oh, sur la côte, je crois. Mais pas à Cannes. Non, entre Nice et Saint-Tropez. Ah, bah alors c'est bête qu'ils soient pas allés à Cannes parce que c'est pas loin. Moi j'aurais été même voir un film slovaque sous-titré parce que j'adore moi le cinéma. Les filles, à un moment il va falloir lui dire à Alex. Il était à Cannes. Non. Bon, Alex, voilà, Guillaume, il a été à Cannes. Mais allez, pourquoi vous envoyez Guillaume, le cinéphile de l'équipe? C'est moi, c'est vraiment pas sympa, les filles. Mais c'est ça, mais il nous fallait envoyer celui qui s'y connaissait le moins en cinéma. Ah, bah c'est ça. Oui, mais tu sais, pour avoir du recul sur les choses, toi t'es beaucoup trop calé. Ah, moi je suis calé en cinéma. C'est au salon de l'étudiant, on envoie Guillaume parce qu'il est moins diplômé que toi. Salon de la muscu, tu vois, on envoie Guillaume parce qu'il est moins baraqué que toi. Oui, et à la Fashion Week, on envoie Guillaume parce qu'il est moins à la mode que toi. Ouais, et pourtant, c'est difficile. Hein, et les filles au salon de l'érotisme, vous envoyez qui? Mais toi, Alex Vizorek, salon de l'érotisme, Alex Vizorek. Allez, je vous en veux pas pour Cannes. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité au scalpel. Et voici les trois informations qu'on va tailler avec plus ou moins de précision jusqu'à 18h. François Hollande a eu tort de couper dans le budget de la culture. C'est Manuel Valls qui l'a dit à Cannes. Et pourtant, vu de gauche, il est à droite parce qu'apparemment c'est plus facile. Quand t'es de gauche, c'est l'excellence. Le génie moral, le génie de l'entraide, c'est trop de boulot. La presse reste au chevet de Charlie Hebdo et les dernières nouvelles ne sont pas bonnes. Outre les sorties de Jeannette Bougrabe, il y a la rumeur du départ de Luz et l'idée d'ouvrir le Capital. Tu vois Gérard, que ça te serve de leçon. C'est toujours les gens les plus riches qui sont les plus regardants. Avec les nouveaux entrants, le petit Larousse et le petit Robert font évoluer la langue et une certaine vision du monde, puisque BHL entre au dictionnaire. BHL, philosophe marié à Barbie Casse-Noisette. Et pour découper ces trois informations, je suis accompagnée du chirurgien plastique de la blague, Alex Vizorek. Oui, je suis de l'autre côté du scalpel en général. Bonjour Charline. Et aujourd'hui, grosse équipe autour de la table à 17h20. S'il était un dieu romain, ce serait Janus. L'une de ses têtes parlerait sans cesse d'actualité, l'autre de musique. Et quand elles parlent ensemble, eh bien ça donnerait le dieu de l'actualisique, c'est Tom AVDB. C'est exactement ça que ça donnerait. Ben oui, et de quoi on va parler? Eh bien, on va parler de ces chanteurs de rock qui sortent des livres de cuisine. Hein, parce qu'on n'en parle pas assez, je me suis dit, parlons-en. C'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. C'est un thème accrocheur. À 17h30, s'il était un dieu grec, ce serait une déesse, Eris, déesse de la discorde. Car il parvient à se mettre les gens à dos avec une facilité presque divine. Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. Vous étiez donc à Cannes, salopard. Eh mais oui, j'étais en vadrouille du côté du festival où j'ai rencontré plein de jeunes. J'ai un problème de d'appareil dentaire. Oui, pas des jeunes de Cannes, quoi. Et enfin, à 17h40, si elle était une déesse, elle serait elle-même. Quant à moi, il ne me reste que la compagnie de Bacchus pour oublier que nous ne monterons jamais l'Olympe ensemble. La super coquencieuse Clara Dupont-Mono. Bonjour Alex. Bonjour, je suis toujours un peu étourdie par vos lancements. Oui, c'est le but. C'est voilà, le but. Oui. On il va passe la moitié de sa journée dessus. Ah, je veux bien le croire. La somme de travail qu'il y a derrière. Je veux bien le croire. Et nous allons parler du livre de notre invité qui s'inspire d'un fait divers. Donc, quand la littérature puise à la source du fait divers. Et car chaque jour dans cette émission, en effet, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Vincent. Ah, oui, ça démarre très fort. Ça vous met la pression, ça. Parce qu'on s'accroche à vos propos hein, pour trouver des solutions pour la France. Vous êtes né sous Vincent Auriol. Vous incarnez Cyrano de Bergerac. C'est pour vous mettre à l'aise. Elle l'a dit vite pour que vous ne l'entendiez pas. Vous incarnez Cyrano de Bergerac dans une mise en scène de Jérôme Savary en 83. C'est quand Lech Walesa obtient le prix Nobel de la paix. Vous dirigez le théâtre de Nice en 86, c'est l'année de la sortie de 37-2 le matin. Vous obtenez le César du meilleur acteur dans un second rôle pour votre interprétation du comte de Guiche dans Cyrano en 91, quand le nez de Jacques Chirac devient si sensible qu'il lui fait parler du bruit et de l'odeur. Et vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer de votre voix de velours. Vous êtes votre identité. Ah, Jacques Weber. Ah bah oui, voilà, oui, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Sur France Inter, voilà. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. On fait ça uniquement pour tester l'Alzheimer éventuel de nos invités. Et... Ça a failli. Ouais, non, vous étiez impeccable. Suspect, impeccable. Hein, une petite hésitation. Oui. Et pas n'importe quel Jacques Weber aujourd'hui, puisque nous recevons. Parce qu'il y en a deux, déjà. Et ouais. C'est celui qu'on préfère des deux. Ouais. Pas n'importe lequel, attention. De un et de deux, nous recevons le romancier aujourd'hui, puisque Jacques Weber, vous publiez chez Stock La brûlure de l'été. Alors, une question bateau, mais inévitable pour commencer, parce que vous êtes, on vous connaît comme comédien, la carrière très très fournie. Et donc, il y a eu un moment l'envie du roman. Donc, l'idée de fabriquer la fiction à un moment de votre carrière ? Non, l'envie de poursuivre quelque chose que j'adore, c'est écrire. Mais je n'en avais pas le métier, je n'en avais pas l'expérience. Et petit à petit, j'ai remarqué ce plaisir que j'avais gourmand, sensuel, comme ça, d'écrire. Et alors, donc j'ai commencé par me dévisser le nombril, ce que font beaucoup de gens, parfois trop, en parlant un petit peu de la boutique, c'est-à-dire en parlant de mon métier, en parlant, et ça je crois que c'était pas inintéressant, de voir à quel point il n'y avait pas de théorie définitive dans le travail de l'acteur. Et donc j'ai commis un autre livre sur Cyrano, après en avoir fait un sur Molière, et puis enfin j'ai dit bon, bah, je vais franchir le pas du premier roman, donc je me sens tout à fait débutant, mais je crois que c'est la distance avec moi-même qui me sied le mieux, qui me plaît le plus. C'est là où le roman, c'est là où le jeu peut devenir un autre tranquillement, quoi, avec bonheur et jouissance. Est-ce que ça vous a pas fait bizarre de fabriquer de la fiction alors que jusqu'à présent vous portiez celle des autres ? Bah, vous savez, de toute façon, celle des autres, c'est totalement abstrait. C'est qu'est-ce qu'un rôle, qu'est-ce qu'un personnage, si ce n'est qu'une relation alchimique où l'or n'est pas toujours au rendez-vous entre soi, l'écriture, l'auteur, qui reste quand même malgré tout extrêmement mystérieux, quelles que soient les exégèses et les analyses qu'on puisse en faire. Donc tout ça est très très très alchimique, tout ça est de l'ordre de la magie, du mystère. Et donc je pense, moi, que le rapport avec un rôle est de l'ordre d'une histoire que l'on invente, qui s'invente au fur et à mesure que l'on joue et qui progresse au fur et à mesure que l'on joue. Et dont le déclencheur est donc un vieux fait divers. Oui, qui d'ailleurs, vous a marqué. Ça, c'est ce qui arrive souvent dans énormément de romans, ô combien célèbres, ô combien immenses. Ça part très souvent d'un fait divers. Même Monte Cristo, c'est un fait divers. Le Rouge et le Noir aussi. Et donc là, c'est un. Mais ce qui est très, très intéressant, ce qui m'a touché, c'est que ce fait divers était relaté, c'est ce que l'on appelle vulgairement les chiens écrasés, ça en dit long. Alors rappelez-le, d'abord, ce fait divers. en deux mots, une famille est surendettée et la mère reçoit en plein été, dans un été brûlant, un homme qui vient couper l'eau. À partir de ce moment-là, elle sait que à partir du moment où on coupe l'eau, la vie n'est plus possible. En tout cas, c'est le résumé magistral qu'en fait formir Marguerite Duras, qui avait parlé de ce fait divers dans le Nouvel Observateur, et dont on peut retrouver le texte d'ailleurs dans la vie matérielle. Et moi, ce texte-là m'a totalement chaviré. Je me suis Truman dit que Capote, c'était pareil. Hein. Il est parti de pour écrire Pardon de, Truman Capote oui, pour écrire De sang froid. De sang froid. Il est parti de chose. Trois lignes. Bah, bien sûr. Dans et après, on sait très bien ce qu'il en a fait. Et si vous voulez, je me suis dit décidément, ce sont ces fameuses cinquièmes pages. Ce sont ces fameuses choses dont on parle beaucoup une journée, qui après se résolvent en deux lignes. Dans fin fond du journal régional, qui disent beaucoup le monde, quoi. Donc j'ai eu envie très humblement de m'attarder sur ce fait divers qui sur l'inexplicable, quoi. Et sur comment une mère peut-elle en arriver à décider de la mort de la famille qu'elle a engendrée. Une famille qui a d'abord vécu dans une roulotte. Oui, qui est dans une misère absolue. Alors moi, après, là, j'ai fictionné. J'ai totalement... Mais ce qui est très bizarre, c'est que la famille commence à se déliter dès lors qu'elle accède au confort moderne. Dans la roulotte, somme toute, ils ont trouvé un équilibre. Voilà. Ils vont braconner un peu, ils prennent de l'eau dans une conduite qui est fissurée. Oui, oui. La mairie leur donne une gare désaffectée. Ils sont dans un confort dur. Oui, oui. Et c'est bien ça le déclencheur, voilà. Alors, oui, pourquoi est-ce qu'à un moment, ça se délite ? Alors, si vous voulez, comment dirais-je ? Au bout d'un moment, un sujet, on se rend compte qu'il devient un fourre-tout dans la solitude étrange que l'on a lorsqu'on écrit. Ça devient un fourre-tout. Enfin, les choses vous viennent. Par exemple, moi, il y a un titre qui m'a toujours bouleversé chez Zweig, c'est La pitié dangereuse. Et puis, il y a une autre chose qui m'a bouleversé, c'est le sourire étrange et les costumes magnifiques des femmes dans des quartiers de misère épouvantables en Afrique, mais qui, malgré tout, s'assoient dans un sable terreux, bouffé par la boue, la saloperie partout, mais qui sont divinement divinement apprêtés et avec des sourires, avec des dents absolument splendides. Et je trouvais que tous ces espèces de paradoxes extrêmement choquants me troublaient beaucoup. Choquants dans le sens du choc, pas du sens que, oh mon Dieu, comme c'est choquant. Pas comme Jean-François Copé. Bah, par exemple. Non, mais là, je parle pas d'ordures, pour l'instant. Je parle de belles choses. Et si vous voulez, voilà, donc tout ça, c'est venu dans ma tête. Et c'est vrai que la volonté, sans doute sincère et sympathique, de vouloir formater, de vouloir mettre dans les cases, leur dire le bien-être, c'est ça. Le bien-être, c'est bon, bah, vous avez connu la roulotte, il y a eu le feu, on va vous mettre quelque part dans quelque chose où, dont on connaît les codes, dont on connaît et les signes, tout est bien rangé, qui fonctionne bien, où il y a le chauffage, où ça marche bien, et on va rentrer dans cette valse effroyable pour les gens de misère, qui n'ont pas d'argent, c'est la valse du crédit, quoi. Cette espèce d'attrape-nigaud terrible. Et c'est ça qui va, au moment même où on formate la famille, et donc le bien-être au sens très ambigu du terme, très, très beau, très énigmatique, se désagrège. Et c'est ça qui, moi, que j'ai essayé, voilà, de raconter avec plus le regard d'un doux rêveur, pas d'un analyste, pas d'un sociologue. Je ne peux pas être sociologue, je n'en ai pas la compétence, je ne peux pas être un analyste, j'ai pas assez, il faudrait vivre des mois et des mois. Emmanuel Todd, il a pas la compétence non plus, il le fait quand même. Non, je suis pas d'accord avec vous. Ne vous avancez pas trop, Guillaume. Jacques Weber, le romancier, est avec nous jusqu'à 18h. La brûlure de l'été, c'est paru chez Stock, on va en reparler avec qui n'est pas un livre sur les crèmes solaires et les coups de soleil, il faut le rappeler aussi. Merci. Non, non, il va en prendre une, mais fais attention parce que Jacques Weber, c'est une seule. Vous avez eu tort de vous mettre juste à côté de Jacques Weber, ça tombe très très mal. La brûlure de l'été, donc on va en reparler avec Clara Dupont-Mono à 6h20, bien sûr, et puis on va avoir l'occasion d'en reparler, tiens, parce qu'il sera question de solidarité tout à l'heure dans l'un de nos sujets musique. This is it. Trick me twice. Will I pay my dues for all that I've done? c'est du R&B américain. C'est Kelly's Trick Me. N'est-ce pas, Thomas VDB? On l'avait reconnu tout de suite, le morceau. Tout de suite. C'est Kelly's Trick Me, ça. Oh, j'adore Trick Me. Vous êtes sur France Inter et nous sommes avec Jacques Weber, le romancier. Il publie La brûlure de l'été chez Stock. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Eh bien, Clara Dupont-Mono qui nous parlera de ce livre et des faits divers en littérature. Thomas VDB et Guillaume Meurice qui nous ramène son premier reportage de Cannes. Et c'est le premier d'une série. Hein, je pense qu'on peut dire c'est ça. C'est une saga, même. Une saga cannoise. Et le 250e épisode de la revue de presse à deux voix. Oui, oui, à peu près, oui. Charline Vanhoenacker. Non, mais je vous en veux pas, mais. Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le dis. Et on commence par Jeannette Bougrab. Oui, elle était en interview chez Laurent Ruquier samedi soir et on a appris une chose. Ah, qu'elle avait une liaison avec B.B. King. Non, non. C'est une très grande aventurière. Je suis allée dans les terres les plus hostiles. Moi, je suis allée 17 jours au Pakistan. Il y a eu des attentats. Il y a un an et deux mois, j'étais à Sanaa. Je suis allée à la frontière afghane. Je suis allée dans des camps au nord Kenya, là où effectivement, il y a quelques kilomètres, on a tué 147 étudiants. Je suis allée au Guatemala, dans des maras. Je suis allée au Cambodge. Alors, moi, je suis celle qui a passé 17 jours au Pakistan. Je suis celle qui est allée à Mindoro. Je suis celle qui est allée à Nowshera. Je suis celle qui est allée à Mirwala. Je suis celle qui est allée à Karachi. Et mon histoire n'est pas très intéressante, en réalité. Et pourtant, c'était la séquence émotion. Et donc, si TF1 cherche à relancer le foyer, je crois qu'on tient quelqu'un. Oui, on remercie Claire-Sophie Collet qui s'est envoyée les 40 minutes d'interview pour nous sortir le meilleur. Et je sais qu'elle nous écoute depuis les soins intensifs de la Salpêtrière. Vous vouliez dire quelque chose, Jacques Weber? Non, mais c'était drôle. La forme du discours. Je suis la femme qui a été. Je ne suis pas intéressante du tout. Ouais, ça rappelait moi quand je serai président. Moi, dans mon genre. Ouais. Et pourtant, c'était pas la même couleur politique. Elle s'est occupée de la chute toute seule. C'est fascinant. Ouais, ouais. Et on passe à Dieudonné qui s'est justifié de manière étrange face au juge Van Rumbeek qui l'accuse d'avoir organisé frauduleusement son insolvabilité. Oui, pour justifier le transfert de 460 000 euros au Cameroun entre 2009 et 2014, il dit que c'est pour assumer son rôle de chef de famille, famille qu'il estime à 300 personnes si l'on prend le premier cercle, et ça irait, selon lui, pour l'ensemble élargi jusqu'à 20 000 membres. Ah, ben vous voyez qu'il est drôle quand il veut. Mais oui, c'est vrai. Passons à l'affaire Kerviel, qui rebondit avec le témoignage d'une ex-enquêtrice, un témoignage relayé par Mediapart. Les dirigeants de la Société Générale étaient au courant des agissements de l'ex-trader. Et d'ailleurs, la télévision devrait bientôt diffuser un documentaire sur cette affaire de la Société Générale. Ah, dans Capital? Non, dans Faites Entrer l'Accusé. Ah oui. En tout cas, c'est une bonne pub pour la religion catholique. Le type, il a rencontré le pape en 2014, depuis ne fait que prier, et bim, l'année d'après, on va réviser son procès. Il va peut-être être reconnu innocent. Je serais Sarkozy, j'envisagerais sérieusement une conversion. Passons à un rapport qui vient d'être publié sur la généralisation du CV anonyme. Oui, et ce rapport se prononce contre sa mise en place pour des raisons budgétaires. Donc, ne pas écrire son nom, c'est plus cher que de l'écrire. Oui, mais il faut aussi tenir compte de la discrimination à l'embauche. Et elle continue de reculer doucement. Oui, enfin ça, c'est pas étonnant vu qu'il n'y a plus d'embauche. Oui. Et puis le CV anonyme, au moment où le gouvernement fait passer la loi sur le renseignement, c'était voué à l'échec. Et on termine par le sport, Alex. Oui, rugby, je sais que vous aimez ça, Jacques Weber. Il reste 8 candidats en lice pour devenir entraîneur du 15 de France. Et parmi les 8, Clive Woodward, un Anglais. Ouais, dites donc, ça, c'est unique, ça. C'est unique, effectivement. Ce serait la première fois dans un sport collectif que l'entraîneur ne soit pas français. Mais bon, c'est normal, quand il n'y a pas de Français à la hauteur pour ce poste, il faut aller regarder ailleurs. Et si c'est un succès, on pense que Tony Blair pourrait se présenter aux primaires du PS. Dans un sport individuel, c'est déjà arrivé, Alex ? Oui, c'est même arrivé que le coach et tous les joueurs de l'équipe de France ne soient pas français. C'était en Coupe Davis, au tennis. Merci Alex. Effectivement, un entraîneur anglais pour le rugby, ça c'est... Alors ça arrivait dans pas mal. Ça c'est bizarre. Oui. Vous êtes sûr c'est pas le Gorafi? Ah non, non, pas du tout. Mais ça arrive que, par exemple, en équipe nationale de foot belge, ça a été un Hollandais qui a été à la tête. Ah oui, enfin, ça c'est chez les Belges aussi. Là. Oui, oui, oui. Allez, nous sommes... on peut le dire, on l'est. C'est celui qui dit qui est. J'ai entendu. ça s'entend. Un légère phrase, très joli. On essaye de le cacher. Très joli. Allez, nous sommes avec Jacques Weber jusqu'à 18h. On met l'actualité dans la prise et le premier sujet. Manuel Valls était à Cannes ce week-end pour défendre le droit d'auteur, mais pas le bilan de Hollande, puisqu'il regrette les coupes budgétaires dans la culture. Y exprimer un regret en politique ou une erreur, c'est toujours un petit peu comme se mettre à poil. Comme Sébastien Thierry, ou Molière d'ailleurs, ils ont un point commun, ils défendent tous les deux la culture. Quand même. Il y a 3 semaines, je suis allé dîner chez Joël Pommerat, là-bas chez lui en Normandie. Il n'y avait pas de viande ? Ouais. Non mais, on a passé une très bonne soirée, hein. On était assis par terre, on a mangé des chips, avec du ketchup, c'est très sympa, mais bah, quand même. Joël Pommerat est un des plus grands auteurs contemporains, et Il a reçu deux Molières, il peut pas s'acheter un poulet ? Alors, Manuel Valls qui vient à Cannes pour faire une sorte de mea culpa qui n'est pas tout à fait le sien parce qu'il vise Hollande et Hérault, bien sûr, sur le recul du budget de la culture en disant c'est une erreur d'avoir coupé dedans. Vous le recevez comment, vous, Jacques Weber, en disant on ne nous l'a fait plus ? Ou c'est plutôt positif ? J'entends un homme qui, allant à Cannes, où il est quand même malgré tout question de culture, c'est un peu gênant s'il dit « je suis tout à fait d'accord pour qu'on baisse le budget culturel ». Donc il y a quand même une part diplomatique dans tout ça qui est absolument évidente. D'autre part, je ne pense pas que ça soit la préoccupation première de Manuel Valls. Le problème de la culture, et je crois que c'est un des grands problèmes, une des grandes déceptions qu'on a vis-à-vis de ce qu'on pouvait espérer en voyant la gauche revenir au pouvoir, c'est qu'il n'y a jamais eu un mot digne de ce nom, un beau programme culturel qui ait été évoqué par François Hollande. La preuve en est, c'est la désignation d'ailleurs, après le refus légitime de Philippe Petit. Je trouve que son refus est tout à fait honnête et élégant. Ça ne correspondait plus à ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle voulait. D'avoir quitté son poste de ministre. Oui, moi je crois. Il y a quand même l'entrée de Julie Gayet à l'Élysée quand même. Non, mais c'est un terrain sur lequel je n'aime pas entrer. C'est leur problème, ça n'est pas le mien. C'est une femme d'ailleurs tout à fait respectable et admirable, Julie Gayet entre parenthèses. Mais le choix de Pellerin, c'est évident. C'est une espèce de d'énarque pur et dur qui doit sans doute être très très doué pour tout ce qui est, comment dirais-je, tout le un bon fonctionnaire, un bon haut fonctionnaire. Tous les problèmes de technologie virtuelle, de l'internet, de la télé, de sans doute tout ça. C'est une gestionnaire et je trouve que tout ça manque sérieusement de culture humaniste, quoi. D'ailleurs, Aurélie Filippetti a fait un tweet en rappelant qu'il y avait 150 festivals annulés, c'est très grave, ce qui se passe est très grave. Tandis que Cannes bénéficie de 3 millions d'aides via CNC. À l'heure actuelle, mais même il n'y a pas que les festivals, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les centres dramatiques, les théâtres nationaux, les CAC, enfin tout ce maillage culturel qui était quand même formidablement bien foutu en France, même si on peut toujours critiquer dans le détail les choses, mais globalement, le maillage culturel était très formidablement fait. Il exerçait sa mission. Et là, tous sont ceux qui en sont à moins 20 ou moins 30 sont heureux. Parce que la plupart sont à moins 40, moins 60%. Donc, si vous enlevez les frais de gestion, il n'y a plus rien pour la création. Donc, en dehors même du programme infamant, dégueulasse au sens propre du terme du Front National et des ordures du Jean Ménard, vous avez des gens, voilà, soyons démocratiques, de l'UMP ou autre, mais même du PS, qui font des choix du genre, bon, ben, on fera plus de création, on va faire du théâtre régional. Donc ça devient électoralisme, mais dans le sens poujadiste du terme. Et c'est tout à fait dramatique. Il y avait là, je parle d'un secteur que je connais mieux, parce que la culture, ça n'est pas que le théâtre, ça n'est bien évidemment, hein, soyons clairs. Et puis, en même temps, j'ai envie de dire un contrepoint. Il y a des grandes urgences, certes. Moi, une bagarre intramuros, intraculturelle, en disant « il faut absolument que notre budget augmente », En ne se préoccupant pas d'abord de voir si le budget pour aider les gens totalement défavorisés, pour aider les gens qui débarquent par bateau et qui crèvent de faim, pour aider les gens qui n'arrivent pas à nourrir leur enfant à fin de mois, si on ne regarde pas ça d'abord, je n'aime pas cette bagarre, je la trouve fausse. Mais après, c'est assez complexe, mais c'est vrai que la première réponse au mot du monde, c'est se battre contre l'ignorance, donc pour la culture. Voilà. Et l'éducation. Et le maillage dont vous parlez actuellement est concentré, cristallisé sur Cannes. Et on en parlera tout à l'heure. Alors avec oui, Cannes, Cannes, c'est une habitude de journaliste. Enfin non, mais c'est formidable parce que c'est quand même un coup de projo sur des films dont on ne parlerait jamais et des et films qu'on magnifiques pas voir. Et grands auteurs. Oui, mais enfin, c'est eux qui irriguent quand même quelque chose, une pensée, une résistance, quoi. Voilà. Donc non, et puis il y a ce marché incroyable du film. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a une espèce de tradition française. C'est les gens de la presse, les médias qui ont décidé que tout se passait à Cannes parce que c'est quand même très sympathique d'être 15 jours à se fendre la gueule là-bas. C'est assez sauf quelques Belges résistants qui occupent la maison. Exactement, avec vous Jacques Weber, jusqu'à 18h, on résistera, mais on fera un petit détour quand même avec Guillaume Meurice. Et en attendant, c'est Thomas VDB. Caroline ? Où es-tu, Caroline ? Oui ? Je suis là, papa. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je suis dans ma chambre, papa, avec la radio allumée, car tous les lundis à 17h30, c'est la rubrique actualisique de Thomas VDB. Voilà, c'était histoire de varier un petit peu les plaisirs. Alors, on le sait aujourd'hui, pour réussir une carrière dans la musique, il ne suffit malheureusement plus de juste sortir un disque et d'en assurer la promotion. Non, il faut ce qu'on appelle créer le buzz pour réussir à faire parler de soi. Ça veut dire, quand on est tennisman, ben, il suffit de devenir chanteur. Quand on est chanteur, ça peut être en enregistrant, par exemple, une chanson caritative. Je sais pas, quand on est rappeur, ça peut être en tapant une hôtesse de l'air. Voilà, il y a plein de moyens. Il suffit de creuser un petit peu, voilà, pour ne pas rester trop ancré dans le seul sérail qui vous a fait connaître. Voilà, quand on est animateur télé, on peut devenir comique. Quand on est comique, on peut devenir conseiller au Crédit Lyonnais. Voilà, il y a plein de façons vraiment de digresser et de faire le buzz. Alors là-dessus, il y a peut-être des leçons à prendre de Alex Capranos, le chanteur des excellents écossais Franz Ferdinand, qui va faire doublement l'actualité cet été. D'abord parce que son groupe Franz Ferdinand vient de réaliser un album entier en collaborant avec un autre groupe mythique qui s'appelle les Sparks, le duo californien Sparks. C'est pas juste un morceau qu'ils enregistrent ensemble, c'est un album complet de collaboration. Ça s'appelle FFS pour les initiales des deux groupes, Franz Ferdinand et Sparks. Ça sort mi-juin et c'est l'équivalent d'un paquet de bonbons pour les oreilles. Si j'ai un disque à vous conseiller pour cet été, c'est celui-là. Ça, c'était le côté un petit peu André Manoukian de ma chronique. Écoutez-y, vraiment, on est à croiser de Heidegger et Kant qui font la musique ensemble, le jardin des Hespérides. Mais Alex Capranos, il fait également l'actualité ces jours-ci, eh bien, puisqu'il vient de sortir un guide culinaire. Puisqu'il faut savoir qu'à côté de Franz Ferdinand, il est aussi critique gastronomique pour le quotidien anglais qui s'appelle The Guardian. Et ce livre, eh bien, compile les meilleures adresses de restaurants qu'il a pu fréquenter pendant ses tournées avec le groupe. Hein, c'est un peu peut-être comme si Johnny sortait un guide des meilleurs PMU qu'il a pu croiser à l'occasion de ses tournées en France. Et dans le livre, eh bien, le chanteur de Franz Ferdinand, il donne aussi ses meilleures recettes de cuisine. Hein, voilà, comme si voilà, c'est quelque chose qu'on attendait de son musicien préféré, qu'il soit également bon cuisinier. Ça, c'est vraiment très important. Hein, voilà, je sais pas, par exemple, t'arrives chez Keith Richards des Stones. Alors, je vous ai préparé mon poulet à la cocaïne. Alors, on peut y goûter. Est-ce qu'on serait allé dîner, franchement, chez Jimi Hendrix, hein, j'aime bien connaître. Hein, est-ce que quand on voit une photo de Amy Winehouse, on se dit, oh, dis donc, elle a vraiment une tête à bien préparer le pot-au-feu. Je ne sais pas si on attend vraiment des musiciens qu'on aime qui soient bons cuisiniers. En tout cas, eh bien, ce qu'il est étonnant de constater à la lecture de ce livre de recettes de cuisine, c'est de voir combien Alex Capranos, chanteur de Franz Ferdinand, eh bien, a pu s'inspirer de diverses recettes pour écrire quelques-uns des tubes de son groupe. Je prends par exemple un extrait d'une des recettes qui est présentée dans le livre, alors qui est la recette de l'œuf frit à l'ail cuisiné au wok. Hein, tout le monde connaît, c'est classique. Alors si je lis la recette, avec, je lis un extrait de la recette là, avec le wok, tu mets assez d'ail, à moi de mettre une partie de l'œuf frit. Bon, ça c'est vraiment un extrait de la recette. Maintenant, je vous propose d'écouter un des plus grands tubes de Franz Ferdinand. Vous allez voir que ça résonne un peu. Oh ouais, le wok, tu mets assez d'ail, à moi de mettre une partie de l'œuf frit. Voilà, c'est l'avantage, c'est qu'on peut également chanter les recettes en musique. Merci à tous. Merci Thomas VDB. Mais oui, il faut pouvoir se diversifier. En revanche, un grand comédien qui écrit un roman, ça c'est quand même beaucoup plus logique. Nous sommes avec Jacques Weber. Quoi que. Vous avez une recette à vous conseiller? Le pack des recettes, c'est La Brûlure de l'été, roman paru chez Stock. Jacques Weber est avec nous jusqu'à 18h. Derrière, on va retrouver Guillaume Meurice à Cannes. Ça se voit tant que ça, que je ne tiens plus le coup. Mais tout ne tient qu'à moi, moi qui bois comme un trou. Malgré tous mes efforts, je me suis égaré. Ma foi, comme j'ai eu tort de ne pas t'écouter. Sous couvert d'ironie, je voulais rester fier. Et pris de sympathie, je me suis resservi un verre. Drunk in Lithuania, drunk in Cocoland, drunk in Lithuania. I've made loads of mistakes. Drunk in Lithuania, drunk in Cocoland, drunk in Lithuania. I've made loads of mistakes. J'ai montré mes lacunes, J'ai pas noyé ma montée, j'ai claqué toute ma thune. Je sais pas comment je vais faire pour revenir vers toi, pour regagner la terre. Maintenant que tu n'es plus là, ça se voit tant que ça, que je ne tiens plus debout. Allez, resserre-moi et trinquons un bon coup. Drunk in Lithuania, drunk in Copeland, drunk in Lithuania. I've made loads of mistakes. Drunk in Lithuania, drunk in Copeland, drunk in Lithuania. I've made loads of mistakes. Nord, c'est un chanteur normand qui chante Drunk. Vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie de Jacques Weber jusqu'à 18h. On va reparler de votre ouvrage, de votre roman Jacques Weber avec Clara Dupont-Monod. On va parler de solidarité, un des thèmes de votre roman d'ailleurs, avec le thème sur Charlie Hebdo. Mais là, je vous présente Guillaume Meurice qui revient ce midi du Festival de Cannes. Son regard est particulier sur les choses. Vous nous direz si vous avez reconnu Cannes ou pas. D'accord. Oui, alors je voudrais d'abord m'adresser à toi, le contribuable français qui m'écoute sur l'autoradio de ta Twingo Diesel de retour d'une dure journée de labeur. Oui, toi qui rentres chez toi pour remplir ta déclaration d'impôt, eh ben je voulais te dire merci. Merci parce que sache que ce week-end, tes impôts ont été parfaitement utilisés car ils m'ont permis de me rendre à Cannes, hein, tout frais payé par France Inter évidemment, pour couvrir le festival de la coke et des putes ukrainiennes. Le festival international du cinéma. International car la Colombie et les pays d'Europe de l'Est y tiennent chaque année une place prépondérante, vous l'avez bien compris. Et toute la semaine, je vous proposerai donc un aperçu de cette 68e édition en commençant aujourd'hui par une race très particulière de festivaliers, les chasseurs d'autographes. Alors, ils sont faciles à trouver, ils font le pied de grue devant les fameuses marches du palais, et ceci toute la journée. Alors, je n'exagère pas, par exemple, Martine, à quelle heure elle est arrivée ? 9h. À 9h du matin, vous êtes là ? Oui, oui. Et vous repartez à quelle heure, du coup ? Après la montée, 20h. Voilà, donc 11h sous le cagnard, 11h pour espérer voir la petite culotte de Sophie Marceau ou le slip kangourou de Jacques Weber, hein, lorsqu'ils en portent, hein, bien sûr, bien évidemment. Mais surtout, 11h pour récolter le maximum d'autographes possible, n'est-ce pas Patrice ? Là, je dois avoir 10 ou 11 depuis mercredi. Quoi. Qui est-ce que vous avez eu ? Des tas de jeunes que je connais pas, qui sont pas de ma génération, des jeunes de 20, 25 ans que je connais pas. Ah, vous les connaissez pas, mais vous leur demandez quand même des autographes? Oui, mais c'est les filles qui sont à côté de moi, qui les connaissent, qui arrêtent pas de crier, qui les font venir. Donc après, me disent le nom. Bah non, moi je connais pas la nouvelle génération, hein. Je connais l'ancienne génération, hein. Mais tous les jeunes qui arrivent, qui débarquent, je les connais pas ceux-là. Hein. Mais alors ça sert à quoi d'avoir un autographe de quelqu'un qu'on connaît pas? Parce que j'essaye d'en avoir un maximum dans les livres d'or. J'ai déjà 6 livres d'or ici. Et voilà, 6 livres d'or remplis d'autographes de jeunes qu'il ne connaît pas. Hein, formidable. Notamment Dylan Pichon, hein, Kevin Brochant, Héloïse Courcelle. J'en passe, et des encore moins connus. Bon, bien, des jeunes inconnus et qui d'autre? Puis l'acteur principal de Mad Max, comment vous l'appelez? Aucune idée. Ouais, bon, j'ai son autographe. Ah, mais vous le connaissez pas non plus? J'ai filmé, non, parce que moi je connais Mel Gibson. Toujours les anciennes versions. Mais en fait, vous allez jamais au cinéma? Non. Non, voilà. Bon, il connaît Mel Gibson, hein, vous l'avez entendu, mais il va jamais au Cinoche. Voilà donc ce qui pourrait être une explication. Une autre explication serait que retenir les noms, c'est pas son truc, hein, Patrice. Exemple avec sa voisine de chaise pliante. Bonjour, Chantal. C'est Carole, excuse-moi. Voilà, c'est pas son truc, et puis c'est tout. Alors, allons voir à présent. Non pas Carole, non pas Chantal, mais Nicole. Alors elle, c'est une des habituées du festival. Elle, ce qu'elle aime, c'est les stars. Je suis fan de stars, vous voyez, c'est ma drogue. Mais alors, quel J'ai type de stars? J'ai toujours été passionnée par le cinéma à 12 ans. C'était l'époque de Brigitte Bardot, Jacques Charrier, John Wayne et les autres. Donc, j'ai vu toutes les... John Wayne? John Wayne. John Wayne. John Wayne. John Wayne, hein, bien évidemment, un célèbre acteur qui a joué dans beaucoup de westerns, bien sûr, bien sûr. Mais son préféré, c'est... Gregory Peck, oh, c'était mon chouchou, celui-là. Oh là là, d'ailleurs, il est marié avec une Française. Ah bon? Ben, j'espère qu'il est encore en vie, au fait. C'est vrai que je me pose des questions, là, tout à coup. Ah bah, pour une fan de star, dis donc, vous n'êtes pas ben, bien renseignée. Ben, je ne suis pas toujours branchée à la minute. Hein. Eh, tu m'étonnes, Nicole, puisque Grégory Peck, il est mort en 2003. Ah, donc, elle n'est pas branchée à la décennie non plus, hein, Nicole. Bon, qui est-ce qu'elle a eu de vivant? Alors, qui j'ai eu comme autographe? Alors, Noémie Watts. Pour la deuxième fois. Ah, vous aviez déjà un autographe? Oui, l'an passé. Ben oui, Kate Blanchett. Mais alors, attendez, ça sert à quoi d'avoir deux autographes? Oh, ben écoutez, elle passe devant nous. Ben, on fait signer, on n'en est pas un autographe près. Hein. Donc là, si non, elle repasse aujourd'hui devant vous, vous... Eh ben oui, si elle repasse, oui, elle re-signe, elle n'aura pas la même robe. Oui, c'est logique, puisque l'autographe, c'est bien connu, change en fonction de la robe. Alors, qui d'autre? Hier, Yves Calvi. Voyez, vous avez un autographe d'Yves Calvi. Yves Calvi. La chance. Oh là là. J'imagine que vous êtes très ému. Oh, ne m'en parlez pas. Oui, c'est aussi ça la magie de Cannes, avoir un autographe d'Yves Calvi en attendant celui de Laurent Romeshko, Thierry Beccaro et peut-être pourquoi pas, qui sait, un jour de chance croiser le regard de Laurence Boccolini. Alors ça serait vraiment le rêve, ou même un autographe de Manuel Valls, hein, qui était présent ce week-end et qui a été beaucoup critiqué pour ça. Mais bon, tant qu'il fait des signatures sur le livre d'or de Nicole, il en fait pas sur des contrats d'armement. Alors rien que pour ça, merci à Nicole et à ses amis. Merci Guillaume Meurice de retour de Cannes, car d'ailleurs, vous serez en bord de scène demain, oui, à 21h30 à la Nouvelle Scène. Et Thomas VDB, on vous retrouve le vendredi 22 mai à Bordeaux, au Rock School Barbet. Et le samedi 30 mai, vous serez à Paris, vous jouez à l'Européen, toujours le récital de Daft Punk. Allez, jusqu'à 18h, nous sommes en compagnie de Jacques Weber. Je reviens vers vous, Jacques Weber, pour parler du deuxième sujet. Tiens, Charlie a des ennuis. Il avait déclenché une éphémère union nationale, l'esprit du 11 janvier. Et aujourd'hui, la rédaction est divisé. Paradoxalement, c'est l'élan de générosité internationale qui pose aujourd'hui problème. Combien? Dans les 900. Bonne moyenne. On va où, là? À l'Immaculée Conception. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de tout cet argent? Oh, je demanderai à Père d'acheter des actions. Mais des actions bien pensantes. Saint-Gobain, les glaces. Saint-Louis, le sucre. Saint-Marc, la lessive. Saint-Turon, les cuirs. Tu es un enfant. Oh. Bourville et Jean Poiret dans Un drôle de paroissien de Mocky. Alors Charlie a eu un week-end agité, enfin c'est souvent agité chez Charlie, mais alors là, récemment, entre la mise à pied qui n'a pas eu lieu finalement de la journaliste Zineb El Razoui, le probable départ, enfin la rumeur en tout cas du départ de Luz en septembre, les sorties de Jeannette Bougrab, est-ce qu'on a été naïf de croire que Charlie pouvait se relever? Est-ce que vous regardez ça un petit peu de près ou de loin ces derniers temps, les soubresauts de Charlie Hebdo et la solidarité immense? Je vous donne les chiffres, 36 000 donateurs venant de 84 pays, c'est 4,3 millions d'euros de dons qu'apparemment Charlie a du mal à digérer. La solidarité qui est aussi un... Ça, la digestion, c'est leur problème, enfin, franchement, qui n'était pas d'ailleurs pas un problème simple du tout, puisqu'ils étaient habitués à l'opposé quand même, à se débrouiller avec très très peu de moyens. Ce qui est d'ailleurs assez surprenant, c'est ce soubresaut sur ces gens qui ont été conspués, qui ont été haïs par une très très grande majorité, et qui d'un seul coup, à partir du moment où il y a cette chose atroce qui arrive, il y a une espèce d'unanimité que je trouve tout à fait paradoxale et qui pose question. Je suis tout à fait opposé à cette espèce de grande symbolique majestueuse du 11, de l'avant ou de l'après 11 janvier. Je comprends pas bien ce que ça veut dire. Et moi, je trouve intéressant, je n'ai pas lu son livre, hein. Donc j'y vais avec beaucoup de précautions. Je sais qu'il est parfois un petit peu excessif. Le livre de Jeannette Bougrab. Et non, d'Emmanuel Todd. Ah, d'Emmanuel Todd. Emmanuel Todd est on le sait, est un sociologue provocateur. Mais après tout, la provocation fait du bien. Elle pose les bonnes questions. Et en fait, lorsqu'il prend le contre-pied de tout ça, qui dit, mais en fait, c'était une façon de dire, laissons le monde comme il est, surtout. Enfin, je schématise énormément sa pensée. Je trouve que c'est assez juste, parce que, justement, pour la simple et unique raison, c'est que, d'un seul coup, on a eu 3-4 millions de gens qui se sont mis à hurler contre l'atteinte à la liberté, lors même qu'ils acceptent tous les jours que soit bafouée, la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est tout simplement la base de réflexion d'Emmanuel Todd. C'est son questionnement. Et moi, dans ce sens-là, j'ai horreur de ce mot parce qu'il est très à la mode. Ça m'interpelle, comme on dit. Oui, mais en tout cas, ça me touche beaucoup. Mais ça a déjà le mérite. Même si, oui, bien évidemment, j'ai été de ceux qui se sont retrouvés dans. Il fallait bien évidemment manifester, bien évidemment. Mais la base de réflexion est juste, mais c'est les conclusions qui sont un petit peu. Alors, vous savez, moi, je me méfie de plus en plus de cette espèce de façon généraliste de s'emparer d'un sujet, lors même que par exemple, sur l'éducation nationale, je mets au défi. 99,9% des gens qui, d'abord, ce fameux phénomène, parole à l'auditeur, excusez-moi, c'est souvent parole à la connerie. C'est souvent parole à une parole directe, sans réflexion. Moi, bien sûr, je veux bien que les gens s'expriment, mais à condition qu'ils savent la responsabilité que ça encourt, que ça soumet. Or, le nombre de gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, ils ont vaguement entendu que Ajaï Vallaud-Belkacem a proposé une loi. Ah, il paraît qu'on supprime le grec et le latin. Là, en l'occurrence, vous venez de parler du livre d'Emmanuel Todd en disant que vous l'avez pas lu. Non, excusez-moi, j'ai pris des prêts. Justement, vous voyez comme c'est. Jacques Weber parle d'un truc qu'il n'a pas lu. Voilà. Jacques Weber a pris les précautions oratoires. Exactement. Non, ce n'est pas les précautions oratoires, c'est les précautions oratoires. Si, vous l'aviez pas lu. Je m'empresse de vous dire, un, que je ne l'ai pas lu, mais qui m'a semblé entendre, entre autres, à une émission de Tadei, très exactement ce que je vous ai dit. Donc j'ai fait une synthèse dont j'ai dit qu'elle était schématique. Voilà. Et je m'empresse de dire que je ne rentre pas dans le détail. Mais ce qui, moi, me fait de plus en plus. Me courrouse de plus en plus, c'est le nombre de gens qui disent la réforme sur l'éducation, c'est scandaleux, alors qu'on n'en connaît pas réellement la nuance. Et qu'elle est déjà difficile à comprendre, puisque le gouvernement n'a pas été très pédagogue pour nous l'expliquer. C'est un autre problème. De solidarité, il en est question aussi un peu dans La brûlure de l'été, Jacques Weber, bien sûr, paru chez Stock, Clara Dupont-Mono. C'est à vous, c'est la chronique sur l'ouvrage de notre invité. Et oui, puisque c'est une actualité à lui seul, votre ouvrage, Jacques Weber, La brûlure de l'été. Alors, si je peux me permettre, ce titre résonne un tout petit peu fleur bleue, un tout petit peu eau de rose, alors qu'on est plus proche des frères Dardenne que de la collection Arlequin. Ça, vous êtes d'accord? Oui. Ah, c'est très amusant, j'avais pas pensé. Eh bien oui, La brûlure de l'été, ça m'évoquait, moi je me suis dit, l'écrit une histoire d'amour, mais c'est pas tout à fait On a cherché longtemps un titre, j'avais beaucoup de mal. C'est pas grave, vous en faites pas. C'est que, alors vous êtes parti d'un fait divers survenu dans les années 80, c'est là où on n'est pas du tout dans l'eau de rose, et ce fait divers, vous l'avez rappelé tout à l'heure, un soir, une famille entière, les parents et les deux enfants, ils se sont allongés sur les rails d'un train, et le train est passé. Donc votre point de départ romanesque, c'est une question. Cette question, c'est pourquoi? Pourquoi ce suicide collectif? Et vous allez retracer la genèse de ce geste et la genèse de cette famille. Alors ce faisant, vous vous inscrivez dans une très très longue tradition littéraire que j'aime beaucoup, qui est l'inspiration du fait divers. Et quand je vous dis qu'elle est très vieille, cette tradition, j'ai repris le dictionnaire amoureux des faits divers de l'écrivain Didier Decoin, et il dit dedans, le premier fait divers, c'est Caïn tuant son frère Abel dans la Bible. C'est vous dire, on remonte loin, et j'aime à citer souvent, au Moyen-Âge, le roi Arthur des Chevaliers de la Table Ronde. Mmh. Ce personnage du roi Arthur, il est inspiré d'un seigneur breton qui a réellement existé, qui s'appelait Artus, et qui aurait existé en tout cas vers la fin du 5e siècle. Et c'est donc l'imaginaire qui s'en est emparé et qui en a fait une légende, mais c'est la même logique, on prend le réel, hop, on bidouille, on tambouille, et on en fait quelque chose de complètement imaginaire. Et alors pour le romancier, sans doute vous vous êtes posé la question, est quand même de savoir quelle place me laisse le réel pour mes mots. Qu'est-ce que je peux dire de plus que n'a pas déjà dit le réel? Et plus l'événement est marquant, plus l'exercice est difficile. Si on prend par exemple le 11 septembre 2001, c'était un événement tellement improbable et tellement violent qu'il prenait toute la place. Il n'en restait pas beaucoup pour les romanciers. Et on est dans un cas de figure où cette fois le réel ne dépasse pas la fiction, comme on dit souvent, mais où il l'écrase. Et pourtant, il faut croire que les écrivains sont des bestioles coriaces, parce qu'ils ont quand même écrit sur le 11 septembre 2001. Comment ils ont fait? Eh bien, en fait, on se rend compte que même l'événement le plus marquant, même le plus infime, comme le vôtre, celui que vous avez pris, cet événement-là, il a toujours ses zones d'ombre. Et ces zones d'ombre, elles tournent toujours autour de quoi? Pas des faits. Ça, on a les fils internet qui les rabâchent, on a les journaux. Les faits, on les a. Ils tournent autour des personne. Et c'est vers ces zones d'ombre liées aux personnes que se dirige intuitivement le romancier. Dans son roman Windows of the World, sur le 11 septembre, Frédéric Becbédé dit que le seul moyen de savoir ce qui s'est passé dans les tours, avec les gens, c'est de l'inventer. Puisqu'on ne l'a pas, et ben le romancier l'invente. Et c'est exactement ce que vous faites. Vous vous glissez dans la tête de Dino, le père de famille, dans la tête de Lisette, qui est la maman, et de Marie, la petite fille. Et vous leur donnez des pensées, des espoirs, une mémoire, une colère. Lorsqu'un agent vient couper l'eau parce que la famille n'a pas payé, et c'est le point de fracture de la famille, vous écrivez « Lisette ne pleurait pas. Dans ses veines, un éboulis de pierre l'empêchait de bouger. » On ne saura jamais si Lisette, elle ressentait vraiment ça, si c'est vrai. Ça, on ne le saura pas. Mais ça n'a aucune importance parce qu'il y a bien une chose que le romancier évacue ou apprend à évacuer, c'est la fameuse vérité. Gustave Flaubert, quand il est parti d'un fait divers pour Madame Bovary, qui s'est vraiment passé, c'est l'épouse d'un officier qui s'est vraiment empoisonné, il a dit, quand il a dit « Madame Bovary, c'est moi », ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire « c'est la mienne, d'Emma Bovary ». C'est pas la vraie. C'est pas l'épouse de l'officier qui s'est empoisonnée. Ça, je m'en fous complètement. C'est mon imaginaire et c'est mon bras d'honneur au réel. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la part de liberté est aussi dangereuse du romancier. C'est qu'elle est là. C'est que ce réel-là des personnes, le romancier malaxe et fait sa petite cuisine. Par exemple, la scène du suicide. Vous, Jacques Weber, vous prenez le parti de la décrire comme une scène très douce. Vos personnages sont très confiants, ça ouvre le livre, vous auriez pu la mettre à la fin, finalement, et faire une tension, un suspense tout au long de l'histoire. Non, vous choisissez de la mettre au début, vous réécrivez le réel, en fait. Et vous faites une famille avec parfaitement confiante et sereine, même le chien n'aboie pas, le chien les regarde faire, il s'allonge et c'est un immense instant de paix. Ce qui est quand même très surprenant, et ça c'est votre parti pris, celui du romancier. Et de la même façon, bien avant vous, quand Stendhal, par exemple, assiste à un procès en Isère et qui tique sur ce procès, que ça l'interpelle beaucoup, il va écrire Le Rouge et le Noir à partir de ce procès, et quand il va façonner le personnage de Julien Sorel, il va injecter des tas de choses de lui-même. Il va faire de Julien Sorel quelqu'un de timide, parce que lui-même Stendhal était un grand timide. Donc vous voyez, c'est très intéressant parce qu'à chaque fois les faits sont respectés, la trame, elle ne bouge pas. En revanche, tout le reste, il appartient au romancier. Certains ont appelé ça un blasphème, une intrusion, d'où parfois les attaques en justice. D'autres ont vu ça, et ils sont nombreux heureusement, comme un regard, quelque chose d'audacieux, quelque chose de visionnaire, en un mot, un roman. Donc Jacques Weber, bienvenue au club. Je redonne les références. La brûlure de l'été de Jacques Weber est paru chez Stock. Merci Clara Dupont-Mono. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, je veux dire. Bien sûr. Non, mais ça tombe très bien, ça me permet un enchaînement. Je veux dire, sur mon actualité, c'est parce que je vais jouer Flaubert, la correspondance Flaubert à partir du. Je reprends un spectacle autour de Flaubert. Et ce que vous disiez sur Bovary, c'est moi, est absolument magnifique. Flaubert n'arrête pas de parler de ça, de reconstruire le réel. Et ça fait écho à une phrase que je trouve magnifique. Je crois que c'est Bonnard qui avait dit ça, qui avait dit « Je ne cherche pas à peindre la vie, je cherche à mettre de la vie dans ma peinture. » Ce qui est une façon tout à fait exacte de dire que finalement, la vérité n'existe, n'est que dans sa saisie. Et non, sinon c'est flottant, sinon c'est rien, c'est l'air, c'est l'espace. Et voilà, finalement, la vérité, c'est ça se réinvente dans le souvenir. Quoi. Elle n'est là que dans le souvenir, dans ce que l'on en fait. En tout cas, je vous remercie parce que ça m'a beaucoup touché. Et oui, Flaubert, c'est éclatant, c'est magnifique. Qui a été attaqué en justice. Je vous invite, c'est à partir du 16 septembre, juin. Au théâtre de l'Atelier. Voilà. Vous trompez pas de date. C'est une pièce autour de la correspondance. Ouais. Jacques Weber au théâtre de l'Atelier et Jacques Weber, le romancier avec nous. Et Jacques Weber, on et va Jacques parler de, bah, des mots, il justement. Il est partout, ce Jacques Weber. Excusez-moi, rentrer au dictionnaire. J'ai un accent quand on dit ça. Attendez. Pendant que les académiciens français, eux, s'enrichissent en sortant un dictionnaire tous les 50 ans et encore, le petit Larousse et le petit Robert enrichissent la langue en sortant un dictionnaire chaque année. Emma, elle se fait chier. Donc elle commence à toucher la nouille de quelques coms qui passent. Et elle se fait raccommoder la crinoline par des bad boys dans des calèches. Emma, elle kiffe le swag. Alors elle claque son bif pour des petites loup-boutins easy et des bananes Ernest. Enfin, des trucs de luxe, quoi. Le bail, c'est que Charbonvary, il n'a pas une thune. Bref, c'est une putain de vie de merde qui commence. C'est l'amour est dans le pré au Club Normandie. C'est Madame Bovary. Garde à pêche. Ça vous étonne, c'est Jean Rochefort. Alors c'est une vidéo qui a été beaucoup beaucoup vue, hein, qui raconte, qui résume Madame Bovary. C'est une initiative des bolosses des belles lettres qui retravaille les résumés et les textes. C'est amusant parce que vous avez dit c'est du Céline. Il y a un moment j'ai cru reconnaître Céline. Tellement c'était la langue d'aujourd'hui peut-être. Et ben donc les bolosses des belles lettres qui tiennent un bloc, qui ont voilà qui retravaille les résumés des ouvrages, et c'était donc Jean Rochefort. Un grand acteur. Et puis c'était cette façon de parler un peu comme ça qui me rappelait un peu. Alors, il nous reste assez peu de temps. Je voulais vous demander. Donc, il y a notamment le selfie qui rentre, le bolos qu'on a entendu dans la voix de Jean Rochefort qui rentre au dictionnaire. Et il y a aussi l'entrée de BHL au dictionnaire. Alors, je me demandais votre définition de BHL. Ce serait philosophe, diplomate ou auteur de théâtre? Sauf, tant comme question. C'est sauf. Chef de guerre, non? Il est chef de guerre depuis la Libye. Auteur de théâtre, pas encore, mais philosophe, oui. Il est rentré avec le mot loser aussi, précisons. Il y avait un tweet qui disait il y a bolos, loser et BHL, est-ce qu'il faut y voir un lien? Je trouve très bien que le dictionnaire n'arrête pas de se. Voilà, de s'enrichir, d'enrichir la langue. La langue, c'est très très mobile, ça bouge tout le temps. Et d'évoluer. Il y a 10% de vivants, je crois, dans les noms propres du dictionnaire. Voilà, et voilà. Voilà, c'est important de les faire. Merci Jacques Weber d'être resté avec nous. Je rappelle le titre de votre roman, La brûlure de l'été. C'est paru chez Stock. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les références sur notre site internet franceinter.fr, les musiques qu'on a écoutées, les références de votre ouvrage. Merci Clara Dupont-Monod, Thomas VDB et ses jingles, Guillaume Meurice un petit peu de Cannes encore, sans doute demain, non? Oui, tout à fait. Probablement. Oui, il faut que je rentabilise là. Voler deux. Merci Alex Vizorek, nous vous avons volé la dernière revue de presse, mais elle reviendra bien sûr demain. Je la garde au chaud, il y a du très lourd. Et demain, nous serons en compagnie de Maud Fontenoy, à laquelle nous poserons des questions bateau également, n'est-ce pas? Oh là là, c'est triste de faire une belle émission et terminer et de finir comme ça. Voilà. Merci Jacques Weber. On va dédier le mot de la fin à ceux qui doivent faire sur eux un travail quotidien. Quand t'es de gauche, c'est l'excellence. Le génie moral, le génie de l'entraide, c'est trop de boulot.